Énergie. Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. 90% des marchandises que l'on consomme, des produits industriels, mais des produits de consommation, qui circulent en fait par le biais notamment des grands porte-conteneurs. Cette semaine, des règlements et des vagues. Le désordre, il provient essentiellement du fait que on a une multitude de textes épars, mais il faut bien voir que la portée d'une convention internationale, un traité, donc signé entre des États, et ce désordre provient du fait qu'en fait, il n'existe pas de droit des transports internationaux réellement uniforme. Les crimes existent, les crimes contre les êtres humains, eh bien, il faut juste prendre en compte le fait que des crimes contre l'environnement sont éventuellement envisageables aussi. Comme pour la responsabilité civile, on indemnise des dommages qui concernent des personnes, eh bien, il faut prendre en compte le fait qu'il y a des dommages qui concernent également l'environnement. Du code à la pratique. Quelque chose qu'on ne sait pas, c'est le nombre de conteneurs perdus en mer par an, mais absolument phénoménal, et en particulier dans le rail de la Manche, qui est vraiment l'autoroute de la mer européenne. Et pas sur chaque voyage, mais il y a des conteneurs perdus aux mers, avec le problème de savoir si ce sont des déchets ou pas des déchets. La conteneurisation, c'est un phénomène absolument majeur. Ça nous permet aussi d'être approvisionnés, nous, consommateurs, quasiment en continu, sans rupture, avec des volumes extrêmement importants, qui vont du micro-ordinateur à la paire de chaussures. Le commerce en mer. Celui qui est à Marseille donne des ordres, celui qui est dans l'Empire ottoman doit les exécuter. En l'échange, il perçoit une commission, c'est un droit en général de 2 ou de 3% sur les marchandises qui transitent entre ses mains, et il se rémunère. À quelle occasion guerrière va s'opérer le changement de paysage concernant l'échange maritime entre l'Occident chrétien et l'Orient musulman? Quelles conséquences sont liées au déclin des cités italiennes? Quel roi de France va pactiser avec l'ennemi? Que sont les échelles? Quelle ligne de partage entre ceux qui exigent toujours plus de liberté et ceux qui argumentent pour un renforcement permanent du contrôle? Comment cela va-t-il s'exprimer? Quelle transformation va concerner l'Empire ottoman? Qu'est-ce qui sera autorisé? Interdit? Comment les consuls vont-ils intervenir et de quels droits disposent-ils? Ce sont là quelques-unes des questions qui seront abordées ce soir avec notre invité. Puis-je vous demander de vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Eh bien, je m'appelle Victor Simon, je suis historien du droit, maître de conférence à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Et j'ai travaillé sur la question du droit du commerce international avec la France et l'Empire ottoman. Victor Simon, dans cette thématique du commerce, notamment du commerce maritime, on va passer à un chapitre qui est celui de la liberté. La liberté du commerce n'est pas une faculté accordée aux négociants de faire ce qu'ils veulent. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas la une d'un quotidien de la gauche radicale, ça. C'est une phrase d'un certain Montesquieu. Un Montesquieu qui dit la liberté, certes, d'accord, mais enfin, attendez, il y a des limites, faut fixer le cadre. Et en face de Montesquieu, il y a des gens qui disent, non, la liberté, il en faut toujours plus. Au fond, la liberté du commerce, tant intérieure qu'extérieure, liberté inséparable du droit de propriété, doit être regardée comme une de nos lois fondamentales. Le rétablissement de cette vérité ne fait que nous ramener à l'ordre naturel et primitif de notre véritable constitution. Autrement dit, pour les tenants de cette pensée-là, qui s'oppose donc à la pensée de Montesquieu, l'homme est né libre et il doit le redevenir. Qu'est-ce que c'est que ce bras de fer-là, Victor Simon? Qu'est-ce que ça raconte? On sait bien que là, il est question de commerce, mais qu'il n'est évidemment pas seulement question de commerce. Mais c'est une manière de regarder les lois qui doivent entourer, encadrer le dit commerce. Loi ou absence de loi, d'ailleurs. Alors, il faut peut-être revenir un petit peu pour expliquer cette situation. Des négociants français se sont installés dans l'Empire ottoman. Ils s'y sont installés relativement librement, sans vraiment de contraintes ni de contrôle de la part de l'État français, de l'autorité royale. Et progressivement, à partir du XVIIe siècle, plus précisément à partir du secrétariat d'État de Colbert. L'autorité royale va essayer d'encadrer ce commerce. Elle va essayer d'encadrer ce commerce dans une perspective économique, afin de tourner ce commerce vers l'enrichissement de l'État. On voit l'impôt planer. On voit l'impôt planer, effectivement, ce qui est une question constante. Effectivement, c'est un peu l'idée des grands administrateurs du royaume. En effet, on considère que pour que le royaume soit riche, il faut qu'il ait une masse monétaire considérable, il faut qu'il ait beaucoup de métaux précieux. Et ces administrateurs, ces grands ministres, c'est le roi lui-même, vont essayer d'orienter le commerce vers la richesse. Et pour ça, ça reviendrait à favoriser un commerce d'exportation. Il y a un peu une réflexion telle qu'on peut avoir aujourd'hui sur la balance commerciale. Et on veut que cette balance commerciale soit excédentaire, on veut exporter beaucoup et importer peu. Parce qu'importer, ça revient à s'appauvrir. Donc, les administrateurs, l'État va essayer de créer une série de règles qui sont très contraignantes pour les marchands afin de favoriser cette exportation et de limiter l'importation. Mais ça, évidemment, ça entre en conflit avec les intérêts des marchands eux-mêmes qui cherchent, eux, à maximiser leurs profits. Ils ne cherchent pas le bien de l'État, ils cherchent à faire avant tout des profits. On est donc sous Colbert, on est donc plutôt au XVIIe siècle. On évoquait la question autour de Montesquieu. Montesquieu viendra plus tard, oui, ainsi que ceux qui s'opposent, oui, à Montesquieu. Oui. Donc ça, c'est la séquence précédente que vous nous indiquez là. Ce mouvement commence à partir du XVIIe, et il se poursuit et il va d'ailleurs croissant tout au cours du XVIIIe siècle, où on le voit, il y a vraiment une législation de plus en plus presque tatillonne sur les questions de commerce. On fixe des quotas, on fixe le prix des marchandises. Aïe, aïe, aïe. Et tout cela, évidemment, ne produit pas les effets escomptés. On a un affaiblissement du commerce à cause de ça. Affaiblissement du commerce qui, en plus, est renforcé par l'émergence de puissances maritimes concurrentes. Ce qui est problématique, c'est que les gens qui, dans l'administration royale, cherchent à favoriser ce commerce, sont parfaitement ignorants du commerce. Les ministres, les intendants, tous ces gens-là sont de grands aristocrates qui n'exercent pas le commerce et qui sont tout à fait ignorants des réalités du marché ottoman, qui ignorent les spécificités de ce marché. Les marchands, eux, au contraire, sont très au fait de cela parce que c'est leur quotidien et ces marchands, bien souvent, ne sont pas écoutés par l'administration qui considère que les marchands cherchent le lucre, qu'ils cherchent l'enrichissement personnel et qu'ils n'ont aucune considération des intérêts de l'État. Histoire vivante, cette semaine, des règlements et des vagues. Suite de l'entretien avec Victor Simon. Nous sommes en compagnie de Victor Simon pour évoquer avec lui quelques pages du commerce maritime que nous évoquons toute la semaine. On a compris qu'il y avait quelque chose qui s'installait du côté de l'Empire ottoman, vaste Empire ottoman, il faut vraiment le rappeler, par rapport à un royaume de France qui va plutôt en s'agrandissant, mais un royaume de France qui, au travers de son État, commence à investir désormais les questions du commerce entre l'Empire ottoman et la dite France en question en s'insinuant de manière de plus en plus tatillonne pour réglementer à tout va. Alors, dans la pratique, on va essayer de voir un petit peu plus précisément comment se constitue ce commerce, à quoi va-t-il ressembler, et puis peut-être aussi nous signaler ce qui est interdit, autorisé selon les individus, parce que les individus eux-mêmes sont un peu rangés par classe, et selon que l'on appartienne à telle catégorie ou à telle autre, on va avoir le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela, voilà. On sent que c'est pas de la statistique, mais ça commence vraiment à s'organiser. Donc dressez-nous un petit peu ce tableau-là, s'il vous plaît. Alors en principe, il y a une certaine liberté qui est accordée par les textes turcs. Les textes turcs, les capitulations, permettent d'importer, d'exporter tout type de marchandises sous certaines conditions, en particulier sous des conditions fiscales. On doit s'acquitter de certains droits auprès des autorités du sultan. Mais il y a une certaine forme de liberté qui est accordée. Cette liberté, elle va très vite être encadrée pour des marchandises précises, par exemple. Elle va être encadrée du point de vue turc et elle va être encadrée du point de vue français. Ah, double encadrement. Il y a un double encadrement, oui, tout à fait. Bon, du point de vue turc, on veut éviter certaines choses. Par exemple, on veut éviter la sortie des grains pour éviter des famines ou que la population ait faim. Donc, on cherche à éviter que les Français ne fassent sortir du blé, de l'orge ou tout type de grains. Le sud de la France, la Provence en particulier, est largement déficitaire en termes de grains. Il est difficile de faire pousser du blé, tout simplement, en grande quantité en Provence, dans une région qui est très peuplée. On voit bien ici l'envie de commerçants marseillais de trouver du blé en Afrique du Nord, où il est parfois abondant, en Égypte, où il est très abondant, et on a envie d'aller chercher ce blé-là. Et c'est vrai que lors de crises frumentaires, lorsque les récoltes ont été très mauvaises dans le sud du royaume, en France, les autorités turques vont devoir mettre des limites pour éviter que l'ensemble du blé soit acheté par des marchands français. Alors ça, c'est l'une des marchandises qui est réglementée, mais il y en a d'autres. Oui. Parmi elles, il y a, d'ailleurs on pouvait s'imaginer, je ne sais pas de quelle vous vouliez parler, moi je pensais aux armes. Oui, mais, bien sûr. Il y a une législation concernant les armes qui est d'une modernité assez frappante. On s'interroge beaucoup sur le fait de vendre des armes aux Turcs, de vendre des armes au sultan ottoman. Parce que, d'une part, c'est l'allié de François Ier. Et par ses armes, il peut l'aider dans ses campagnes militaires contre Charles Quint, contre les Habsbourg. Tant qu'à faire d'avoir emprunté la voie de l'infamie, autant la poursuivre jusqu'au bout et l'assumer d'une certaine manière. Mais il ne va pas justement tout à fait l'assumer. Il va y avoir des remords parce que on craint quand même les Turcs. On craint que, après avoir vaincu les Habsbourg, on en arrive à déferler sur l'Europe. Il y a quand même un peu cette crainte-là. D'où justement une réglementation qui va permettre de limiter, en principe d'interdire même, le commerce des armes. Les Français ne peuvent pas exporter les armes en Turquie. Mais est-ce que ce changement, ce renversement en quelque sorte, se fait sous le même règne, ou passe-t-on d'un monarque à un autre qui peut laisser entendre et laisser comprendre une mutation de la politique? Alors, l'interdiction est posée très tôt. D'ailleurs, elle remonte, elle est très ancienne, cette interdiction. Elle provient même du droit canonique. Le pape interdit d'exporter des armes aux non-chrétiens, évidemment dans l'optique d'éviter que ces armes ne se retournent ensuite contre les chrétiens. Donc il y a déjà une interdiction pontificale de ce point de vue-là. Il y a ensuite une interdiction qui se traduit dans les ordonnances royales et qui se traduit très tôt. Mais c'est là qu'on a l'émergence de considérations politiques. Parce que ça sent le double langage, cette affaire. Exact. Le roi de France va interdire le commerce des armes, mais parfois il va les laisser passer. Il va même l'organiser par son réseau consulaire lorsque c'est nécessaire. On a même, à la fin du XVIIIe siècle, des envois massifs de canons. On envoie même des artilleurs français lorsqu'il y a les guerres avec la Russie. Donc, il y a une interdiction de principe, mais ensuite, il y a un décalage entre le droit et le fait, entre ce qui est interdit et ce que l'on laisse faire, voire même parfois qu'on encourage. On a en particulier toute la correspondance consulaire, on a la correspondance de l'ambassade de France à Constantinople, qui demande d'exporter certains types de denrées militaires à l'intention des Turcs. Il faut au fond, si l'on comprend bien, expressément que l'État fasse du chiffre. Là, concernant les armes, je pense qu'on ne raisonne pas, comme par exemple pour le blé, dans des termes vraiment commerciaux. On raisonne avant tout selon des termes politiques et on cherche à favoriser, eh bien, par exemple, l'armée turque contre un ennemi qui serait également l'ennemi de la France. Histoire vivante, cette semaine, des règlements et des vagues. Suite de l'entretien avec Victor Simon, historien du droit à l'Université de Reims. En compagnie de Victor Simon, nous feuilletons quelques pages du commerce maritime tel qu'il s'est constitué. Commerce d'ailleurs pas seulement maritime, mais tel qu'il s'est constitué entre l'Empire ottoman et la France durant les 17e, 18e siècles. On évoquait ce qui a été autorisé, interdit. On n'a pas évoqué le fait d'appartenir à telle ou telle classe ou telle catégorie d'individus et ce que ça peut avoir comme conséquence. Et puis, profitez-en également, Victor Simon, pour nous raconter ce qu'est un contrat de commission. Les contrats, en général, ça permet de clarifier les échanges. Alors, d'abord les personnes et puis après le contrat. Concernant les personnes, tout d'abord, effectivement, il y a plusieurs catégories de personnes qui sont présentes. On a les consuls, déjà, qui sont les représentants du roi dans les échelles, qui sont à la tête des communautés françaises qui sont présentes. On est allé extraire le titre de la vieille Rome. Oui, c'est le titre de consul. C'est le titre effectivement des consuls romains qui a été repris ensuite par les cités italiennes et qui ont désigné les consuls, ce qu'on appelle les consuls outre-mer, qui sont finalement les chefs des communautés marchandes d'outre-mer. Et le titre est conservé donc. Le titre est conservé, ça désigne avant tout le chef, le dirigeant. Ça peut être le dirigeant de la cité italienne, ça peut être le dirigeant de la communauté des marchands. Ça a une signification qui est assez large. Ces consuls, ensuite, ils sont entourés par un personnel. Ils ont en particulier ce qu'on appelle des droguements, qui sont des traducteurs. Des comment ça s'appelle ? Des droguements. Alors, des droguements. Ou des truchements, on trouve les deux termes, qui sont des traducteurs du turc, ce sont les seuls qui parlent vraiment les langues orientales, et qui permettent de communiquer avec les marchands locaux, avec les autorités locales. Il y a également un chancelier qui joue le rôle de notaire, de greffier, qui a un rôle administratif dans le consulat. On est nommé consul à vie ou ce sont des postes qui ont une durée limitée ? Alors ce sont des offices, alors il y a une réglementation qui est très compliquée sur ces questions-là. Ces offices, ils étaient devenus vénaux, c'était des charges que l'on achetait, que l'on vendait. On a même constitué des sociétés pour exercer l'office. Et justement, dans cette perspective du roi de reprendre la main sur le commerce, les rois de France ont réformé progressivement la fonction de consul. Pour le transformer de plus en plus en policier ? Pour le transformer en tout cas de plus en plus en un agent relativement servile, qui obéisse aux ordres du roi. Par exemple, on a interdit au XVIIe siècle aux consuls d'exercer le commerce, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça permet de transformer le consul en un vrai administrateur et pas en un commerçant parmi les autres. Et c'est une charge qui est assez rémunératrice et qui est assez prestigieuse par ailleurs. On en vient au contrat alors peut-être. Ce contrat de commission, il est chargé de clarifier les échanges. Ça c'est un coup du consul si j'ose dire, c'est une ordonnance du consul ou ça vient de plus haut ? Non, alors le contrat de commission finalement il a à voir avec une dernière catégorie de personnes qu'on n'a pas vues qui sont les marchands eux-mêmes. Donc ça nous permet peut-être de faire la transition. Le contrat de commission c'est quelque chose d'assez technique. Ça va être le fondement du commerce franco-ottoman. On dit que tous les marchands sont des commissionnaires dans l'Empire ottoman. Et on retrouve ça partout, ce sont toujours des commissionnaires. Ce contrat de commission, il est organisé de la manière suivante. C'est un contrat qui va lier un marchand qui est à Marseille, en général un marchand qui est important, qu'on appelle le commettant. Et ce marchand marseillais va envoyer quelqu'un dans l'Empire ottoman, dans une échelle, dans une ville, à Tunis, à Alger, à Constantinople, dans les villes ottomanes. Ce marchand qui réside dans l'Empire ottoman, on l'appelle, lui, le commissionnaire. Finalement, le contrat de commission, c'est le lien qui va bien relier ces deux personnes-là. Le marchand qui est à Marseille et le marchand qui est dans l'Empire ottoman. Donc, on le voit, on est dans un commerce qui est finalement assez traditionnel, un commerce qui reste personnel, finalement. On a des liens personnels, ce ne sont pas de grandes sociétés sur lesquelles s'appuie ce commerce. C'est un commerce familial, parce qu'en général, celui qui est envoyé dans l'Empire ottoman, le commissionnaire, c'est un proche-parent du commettant, en général, ou alors un ami un peu désargenté. Donc, on reste sur un commerce qui a une structure eh bien, familiale, traditionnelle. Et malgré cela, eh bien, on réussit à faire un commerce qui est très important, hein, à partir de ces structures qui sont simples, hein, qui sont d'une très grande simplicité. Une personne à Marseille, une personne dans l'Empire ottoman, éventuellement d'ailleurs plusieurs personnes dans l'Empire ottoman, il peut y avoir plusieurs commissionnaires, et on envoie des navires chargés de marchandises qui exportent, qui importent les marchandises, sur ce fondement-là, sur ce fondement du contrat de commission. Mais le contrat apporte-t-il quelque chose? Est-ce qu'il solidifie? Est-ce qu'il entérine finalement une situation? Ou est-ce qu'il la complique? Le contrat, c'est un contrat qui est issu de la pratique des marchands. C'est une sorte de mandat commercial. Donc là, c'est quelque chose qui est laissé vraiment à la discrétion des marchands et ce n'est pas du tout quelque chose qui va compliquer les relations. Au contraire, c'est une relation qui est très simple. Le contrat, évidemment, il permet de donner une force juridique au lien qui va unir ces deux personnes. Et s'il y a une difficulté, ça permettra de saisir ensuite les juridictions et d'avoir une application des termes de ce contrat. Ce contrat, il est très simple, hein. Celui qui est à Marseille donne des ordres, celui qui est dans l'Empire ottoman doit les exécuter. En l'échange, il perçoit une commission, hein. C'est un droit en général de 2 ou de 3% sur les marchandises qui transitent entre ses mains, et il se rémunère sur ce droit-là de 2 ou 3%. Victor Simon, on aurait peut-être dû commencer par là, mais ça fait quelques temps que vous prononcez le nom d'échelle, et puis on n'a pas finalement précisé pourquoi on appelle cela l'échelle, les échelles du Levant. Alors les échelles, eh bien, ça désigne ces villes, hein, tout simplement, et c'est un terme qui vient d'un certain nombre de langues vernaculaires, hein, de l'italien par exemple, scalo, hein, ça désigne le port, du turc également, iskele, ça désigne ça, la jetée, hein. J'étais d'ailleurs très surpris quand j'étais à Istanbul de voir les jetées où il y a écrit sur la jetée iskele 16, iskele 15, donc c'est issu d'un vieux fond méditerranéen, hein, de ce terme-là. C'est la ville finalement maritime, la ville dans laquelle il y a un port, la ville dans laquelle il y a une jetée. Alors on a vu un pouvoir qui tendait à s'affirmer de plus en plus, à devenir de plus en plus tatillon. Cet état-là va-t-il avoir face à lui des opposants ? Ah oui, bien sûr, la réglementation qui est mise en place par l'État va conduire inévitablement tout d'abord à une sorte de grogne, hein, des marchands qui râlent, hein, vraiment contre ces lois, et ensuite à une vraie forme de contestation qui va presque s'organiser. Il va y avoir des formes eh bien, de fraude contre la législation royale, et puis surtout on retrouve constamment dans les sources des suppliques qui sont très très nombreuses, des marchands qui demandent au roi d'abroger la législation, d'abroger certains points, de leur laisser la liberté. Et on voit vraiment l'émergence eh bien, de ce discours-là, hein, qui est un discours quasiment libéral, hein, et qui préfigure un peu la Révolution française, hein, avec une révolution libérale qui va suivre. Et vraiment, on sent ces marchands qui sont excédés par une législation qui est envahissante. On trouve des propos qui sont parfois dignes du MEDEF aujourd'hui. C'est impressionnant. Le syndicat du patronat français, hein, il faut le rappeler. Oui, pardon. Cette contestation, hein, est vraiment très vigoureuse, elle est assortie eh bien, de nombreuses fraudes, hein, parce qu'on essaie de trouver des moyens pour contourner la législation, ce qui entraîne l'administration vers un renforcement encore des contrôles, et vraiment on sent cette exaspération qui est très présente dans les textes des marchands. Dernière partie de cet entretien en compagnie de Victor Simon, avec lequel nous parlons du commerce, de la réglementation du commerce qui s'opère entre l'Empire ottoman et la France. D'un côté, un État qui affirme de plus en plus son autorité, et l'affirmant de plus en plus, trouve face à lui des commerçants qui sont de plus en plus rétifs à cette crise d'autorité de l'État qui entend, lui, essayer de renflouer par tous les moyens ses caisses. Victor Simon, vous avez travaillé avec quel type d'archives? Par exemple, vous citiez à l'instant l'histoire des protestations et tout ça. Ça se trouve dans quel genre de documents? Alors, il y a de très nombreuses archives sur cette période. Il y a un volume très important. Ces archives, on les trouve dans plusieurs endroits. On les trouve à Paris, aux Archives nationales, où on a, par exemple, les archives des affaires étrangères, où on a tous les documents qui sont remontés au secrétaire d'État, aux affaires étrangères, sous l'Ancien Régime. On a également des choses dans les fonds de la marine. Dans ces fonds-là, on a de très nombreux textes. On a tout ce qu'on appelle les mémoires, qui sont des rapports qui sont envoyés au secrétariat d'État, à l'autorité centrale. On a également toute la législation qui est très abondante et ça constitue une grande part des sources. On a ensuite eh bien, la correspondance entre, par exemple, le ministre et son ambassadeur ou son consul. Et cette correspondance-là constitue une grande part des fonds. On a aussi des choses, et ça c'était une surprise, à la Chambre de commerce de Marseille, où il y a un fonds ancien qui est très important, avec là encore eh bien, tous les rapports qui ont été faits sur le commerce méditerranéen. Parce que les marchands marseillais sont organisés très tôt dans une chambre de commerce, et la chambre de commerce actuelle a conservé tous ces documents-là. Donc il y a un fonds qui est très important, avec beaucoup, encore une fois, de correspondances, de projets, de rapports, de textes administratifs. On a enfin, et ça c'est une source qui a été très riche, les registres de consulats, les registres qui étaient tenus sur place, dans les échelles. Ces registres, ils ont été rapatriés, ils sont à Nantes aujourd'hui, où j'ai travaillé. On trouve dans ces registres la vie quotidienne des consulats, avec tous les contrats qui sont passés au jour le jour, des descriptions. C'est quelque chose qui est très riche d'un point de vue juridique. Très incarnant également, parce qu'on entre un peu plus peut-être encore dans la réalité des réactions des uns et des autres. Oui, on est vraiment. Moi, j'ai eu parfois certaines émotions à lire ces sources lorsque l'on lit dans le registre du consulat, par exemple, que le consul a fait réunir tous les Français dans la maison consulaire, qu'on a fait barrer les portes, qu'on a fait fermer toutes les fenêtres parce qu'il y a la peste qui arrive en ville. Et c'est vrai qu'on a une instantanéité de l'époque. Et ça, c'est très frappant à la lecture de ces registres, d'autant plus que ce sont bien évidemment des registres manuscrits, donc on a vraiment l'incarnation de la personne qui tenait la plume à ce moment-là. C'est quelque chose de très touchant et qui, sur le plan scientifique, est très intéressant. Victor Simon, évidemment, c'est un travail qui est essentiellement universitaire que vous avez mené, puisque vous avez soutenu votre thèse. En tout cas, merci d'être venu en parler au micro d'Histoire Vivante. Je vous remercie. Demain, la suite de cette thématique consacrée au territoire maritime et notamment aux coutumes ayant engendré le droit. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker, Isabelle Barthes et Thierry Châtel. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.